Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimé. Your Father in heaven, votre Père dans les cieux, he knows that you need money to live. Il sait que vous avez besoin d'argent pour vivre. He knows you need money to take your children to school. Il sait que vous avez besoin d'argent pour amener les enfants à l'école. But right now, mais maintenant, he has said, il a dit, let us first return to Jesus. Retournons d'abord à Jésus. All the other things, toutes les autres choses, will be added unto you, vous seront ajoutées, as you wait for the Messiah, pendant que vous attendez le Messie. But you cannot rush to the things first, vous ne devez pas aller aux choses premièrement, lest the Messiah comes and you miss heaven. Laissez d'abord que le Messie vienne et vous trouvez asseyez aux cieux. Let us walk in the wisdom of God. Marchons dans la sagesse de Dieu. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimé. Your Father in heaven, votre Père dans les cieux, he knows that you need money to live. Il sait que vous avez besoin d'argent pour vivre. He knows you need money to take your children to school. Il sait que vous avez besoin d'argent pour amener les enfants à l'école. But right now, mais maintenant, he has said, il a dit, let us first return to Jesus. Retournons d'abord à Jésus. All the other things, toutes les autres choses, will be added unto you, vous seront ajoutées, as you wait for the Messiah, pendant que vous attendez le Messie. But you cannot rush to the things first, vous ne devez pas aller aux choses premièrement, lest the Messiah comes and you miss heaven. Laissez d'abord que le Messie vienne et vous trouvez asseyez aux cieux. Let us walk in the wisdom of God. Marchons dans la sagesse de Dieu. So you begin to understand that surely time has drawn very close. There may not be enough time. I know you have a lot of agenda. Let that not hinder you from preparing by the minute. Amen. Thank you. You see that? Yes. Okay. You have a lot of agenda. I must accomplish this. I must do this. Don't be caught up there. Let that be also part of the build-up. Hallelujah. Amen. Let that be part of the build-up that you may enter. So you begin to understand that surely time has drawn very close. There may not be enough time. I know you have a lot of agenda. Let that not hinder you from preparing by the minute. Amen. Thank you. You see that? Yes. Okay. You have a lot of agenda. I must accomplish this. I must do this. Don't be caught up there. Let that be also part of the build-up. Hallelujah. Amen. Let that be part of the build-up that you may enter. Notre but était d'impacter la vie des gens, comme Ephésiens 4 dit, pour le perfectionnement des saints, l'édification du corps de Christ, afin que nous ne soyons plus des gens ballottés à tout vent de doctrine, que nous ne soyons pas faibles. Parce que, à l'époque, pour entrer dans le ministère, il faut payer un prix. Aujourd'hui, on rentre dans le ministère pour chercher un prix. La plupart d'entre nous, nous avons abandonné des positions. On abandonne des positions pour aller. Et on nous traitait de fous. À l'époque, en Afrique, quand vous étiez directeur général de la plus grosse société, vice-président du Conseil économique et social, vice-président de la Chambre de commerce, président de la compagnie aérienne, vous quittez ça pour devenir pasteur, tout le monde dit vous êtes fous. Oui ou non? Ah. Aujourd'hui, les pasteurs veulent devenir PDG. C'est le problème. Écoutez, il y a quelque chose que nous devons voir là. Est-ce que nous croyons honnêtement quand nous serons devant Jésus-Christ? Quand nous serons devant lui, est-ce que nous pourrons le regarder pour dire, et il va nous dire, tu as été fidèle, bon et fidèle serviteur de qui? La question est là. Bon et fidèle serviteur de qui? J'ai été sur la terre. C'est par rapport à son critère, par rapport à ses critères qu'il va nous dire bon et fidèle serviteur. Non pas parce que nous avons construit des églises. Il n'a jamais construit d'église. Paul n'a jamais construit d'église. Pierre n'a jamais construit d'église. Ils ont construit, ils ont été co-ouvriers quand Jésus a dit qu'il va bâtir son église. Simplement. Ce que nous allons amener dans l'éternité, ce ne sont pas toutes ces choses que nous avons cumulées ici. L'éternité va nous regarder. Un ambassadeur a un cahier de charges. On lui donne une lettre de créance qu'il présente. Et c'est sur la base de ça qu'on rappelle l'ambassadeur ou pas. Le problème n'est pas de dire j'ai fait ça, j'ai fait tel programme. Notre langage aujourd'hui est un programme commercial. Je suis un commercial, du moins. Tout est commercial. Programme, programme, programme. Où est-ce que vous avez vu dans la Bible programme, programme, programme? Je voudrais attirer votre attention parce que la Bible dit que beaucoup seront sauvés comme à travers le feu. Amen. Vous avez dit que comme il attend mon corps à l'écambo. Mais avant qu'elle ne soit mort, je suis dit que je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Amen. Papa passera comme au coin à la serre. Tonga n'a pas qu'à yo. Tika église en dame n'a pas moi. Yo pèse rozo ya bilambanyo sur la cine zo monan. Amen. Papa passer à comment vous pouvez en avoir. Tonga n'a pas qu'à na yo. Tika église en dame n'a pas moi. Yo pèse rozo ya bilambanyo sur la cine zo monan. Zonga namboka na bino. Tika bana na nzambe ya o. Yo kamati ngoto fungole batutu ba mona. Soke na bishaza kwanga ba fungula ka basomba ka ngote. Ala sara ka batia. Ala sara ka batia. Otali ne basomba ka oye kangani. Otona motazonga sika ba botaye. Yo kamati njoto fungole batutu ba mona. Soke na bishaza kwanga ba fungula ka basomba ka ngote. Ala sara ka batia. Ala sara ka batia. Otali me basomba ka oye kangami. Otona motazonga sika ba botaye.